Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Festival d'Avignon. J'ai préféré m'en aller au plein air, dans un lieu qui soit historique, qui soit un écho du passé. Enfin bref, tout ce que représente Avignon et le midi, en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Le soleil, la lumière, la pierre, la belle pierre, toutes ces choses simples, m'ont aidé à faire autre chose que ce que mes aînés, fussent-ils les plus grands, avaient déjà fait. C'est en 1947 que le comédien et metteur en scène Jean Villard décide de créer un festival de théâtre à Avignon. À sa première édition, 3 pièces seulement seront présentées à Avignon. Le festival, bien sûr, ne cessera par la suite de prendre de l'importance jusqu'à devenir cet événement incontournable qu'il est aujourd'hui devenu pour quiconque s'intéresse à la vie des arts et au théâtre. Villard, qui était un méridional, natif de Sète, qui sentait le besoin de toucher un nouveau public, un vrai public, c'est-à-dire pas le public des quelques initiés qui vont davantage se regarder au théâtre que regarder le spectacle, qui voulait casser un peu l'architecture du théâtre du XIXe siècle, avec ses loges, ses différences de classe même à la limite, n'est-ce pas ? Villard propose de créer 3 pièces à Avignon. Or, créer 3 pièces quand on n'avait pas le sou, à une époque où les subventions n'existaient pratiquement pas, on n'avait pas le ministère de la Culture, et où lui-même n'avait pas d'argent, créer 3 pièces en quelques mois, c'est une aventure qu'aujourd'hui on considérait comme complètement folle, à tel point, d'ailleurs, qu'une des jeunes comédiennes qu'il avait sollicité pour venir jouer à Avignon lui avait répondu « Pourquoi pas à Tahiti ?» N'est-ce pas ? Tellement venir jouer en province, surtout créer des pièces en province, était une chose complètement idiote, farfelu, folle. Ce qu'il fait pourtant. Paul Puot, le directeur du Festival d'Avignon dans les années 70 à l'émission En scène, diffusée en novembre 1990, pour nous raconter l'histoire du Festival d'Avignon, je reçois Philippe Couture, qui est journaliste culturel, critique de théâtre, collaborateur au Voir, au Devoir, à la revue Jeu, entre autres choses, collaborateur à notre radio également. Philippe Couture, bonjour. Bonjour Jacques. Avant de parler de l'histoire du Festival d'Avignon comme tel, Philippe, un mot sur ce qu'il est devenu, ce festival-là, sur ce qu'il représente, surtout le Festival d'Avignon aujourd'hui dans le paysage culturel occidental. Je dirais que c'est le plus important festival de théâtre en Occident. Il se partage cette position avec Édimbourg, qui est une autre plaque tournante, mais Avignon est peut-être le festival le plus sérieux, le plus reconnu, où toute l'Europe se rend pour découvrir des artistes, pour être au fait de ce qui agite le monde du théâtre ou du spectacle vivant, comme on le dit aujourd'hui. Ouais. C'est là que ça se passe. Et c'est aussi un festival dans lequel on va voir des spectacles en plein air, dans des lieux magnifiques, des cours intérieurs. La cour d'honneur du Palais des Papes qui peut accueillir 2000 spectateurs, qui est un lieu grandiose. Donc on y va aussi pour une expérience de théâtre singulière en plein air. C'est unique, il y a quelque chose d'unique. C'est absolument unique. Et ça ramène au théâtre grec aussi. En fait, on est à la source du théâtre qui se faisait à l'Antiquité, en plein air également, dans des grands espaces comme ça. Donc il y a cette idée de vivre une expérience théâtrale dans la nuit, avec le vent, le Mistral, et ça, c'est absolument unique. Aujourd'hui, Avignon est un festival assez avant-gardiste, très novateur, plutôt intello, mais il avait été conçu au départ pour être plus populaire que ça. Ouais. Et il y a son volet off, qui est un festival gigantesque, gargantuesque, de plus de 1000-1500 spectacles. Donc, le théâtre vraiment envahit la ville à Avignon pendant tout un mois, tout le mois de juillet. Et il se compare comment, vous parliez d'Édimbourg, il se compare comment ce Festival d'Avignon par rapport aux autres grands événements culturels? Édimbourg, en France, le Festival de Cannes, par exemple? Oui, alors, par rapport à Édimbourg, Avignon a une réputation plus sérieuse et plus intello, parce qu'à Édimbourg, on a quand même une grande majorité de comédies qui vont être présentées. Et le festival officiel à Édimbourg qui propose des démarches avant-gardistes est assez modeste, à vrai dire. Ouais. Avignon, par rapport à Cannes, par exemple, se propose comme un anti-Cannes, en fait, parce qu'il n'y a pas le glamour et le faste, les tapis rouges, les grandes robes. Pas de bling-bling. Pas de bling-bling. Dès le début, le fondateur d'Avignon, Jean Villard, a voulu que ce soit un festival dans lequel on vient en t-shirt et en short, en sandales. De toute façon, on est en Provence, dans le sud de la France, il fait très chaud en juillet, alors c'est un festival décontracté, décomplexé. Parlons-en de Jean Villard. C'est lui, effectivement, qui est le père de ce festival, le festival né en 1947. Avant de parler de la raison pour laquelle il décide de se lancer dans cette folle aventure, peut-être fait nous rappeler qui il est, Jean Vilar, et où il en était au moment où il décide de créer le festival en 47 dans sa propre carrière. Ouais, il est jeune à cette époque, hein, il a 33 ans, donc ce n'est pas encore le monstre sacré du théâtre français qu'on connaît aujourd'hui. Visage connu du cinéma quand même déjà à cette époque, et il vient de se faire connaître un peu comme metteur en scène à Paris, où déjà on le trouve avant-gardiste et novateur parce qu'il a notamment fait découvrir aux Parisiens des écritures nordiques, le théâtre de Strindberg par exemple, qui constitue un choc pour le Paris de cette époque-là. Ouais. Parce que, en gros, là, si on caricature la scène parisienne des années 40-50, se divise entre le théâtre de boulevard d'un côté, ouais, donc théâtre comique, on connaît la formule des portes qui claquent, etc. Et de l'autre côté, l'avant-garde des années 50, donc ça, ça fait référence à un mouvement très précis, c'est Ionesco, Beckett, ouais, donc un théâtre de déconstruction du langage, théâtre d'après-guerre aussi, qui propose un regard très, très pessimiste sur le monde, qui ne croit plus aux interactions humaines, c'est un théâtre qui parle d'incommunicabilité. Et puis bon, il y a Camus et Sartre aussi qui font un théâtre plus existentialiste à côté, mais c'est ça la scène parisienne, ouais, à cette époque. Et Vilar, lui, il arrive avec l'idée de faire un théâtre populaire en plein air, des grandes formes épiques, avec un enthousiasme de jeunesse et avec une sobriété de moyens aussi, donc complètement à contre-courant de la scène parisienne de l'époque. Il le fera, ce théâtre que vous décrivez déjà un peu, puis on va le décrire encore plus et davantage dans les minutes qui viennent, mais il le fera à la fois à Paris, parce qu'il sera directeur du Théâtre national populaire, mais à Avignon. Il crée donc, on revient à la création de ce festival en 47 à Avignon. Pourquoi décider de créer un festival à Avignon? Pourquoi Avignon? On écoute à nouveau Jean Vilar. Il y a une chose que représente Avignon, comme beaucoup de villes du Midi de la France, et qui est importante pour le théâtre. C'est un lieu où le corps humain se décontracte. Or, une des premières lois du comédien, de l'artiste, c'est une espèce de décontraction. Je ne vais pas te faire une théorie là-dessus, mais c'est une chose tellement admise depuis un siècle par les désormais très traditionnelles écoles de théâtre, qu'un comédien doit se décontracter, éviter en tout cas de contracter son cerveau, ses muscles, etc. Et il y avait là cette espèce d'état général qui fait que les problèmes, l'interprétation et l'audition de public est autre qu'à Paris. Et je dois même dire de la part de la presse aussi. La presse n'arrivait plus en tant que représentant du public parisien. Comme nous, quand nous jouons à Paris aussi, comédiens, il n'y a rien à faire, nous sommes aussi des comédiens parisiens. Elle reprenait tout d'un coup un certain ton, une certaine façon de voir les choses et d'en juger et d'en écrire, qui était absolument différente de ce qu'il faisait à Paris. Ça, j'en suis sûr. Enfin, c'était une de mes constatations qu'on pourrait même prouver texte par texte. Non pas qu'il faisait une critique différente entre le même spectacle à Avignon et à Paris, mais ils avaient une façon d'écrire, de juger, qui était moins parisienne, moins aiguë. L'accent pointu, tu sais, comme on dit dans le Midi, n'est-ce pas? C'est intéressant ce que dit Jean Vilar, et clairement, il y a cette idée, Philippe Couture, dans ce qu'on vient d'entendre, de sortir, en se rendant à Avignon, en créant le Festival d'Avignon, de sortir de Paris, de sortir de l'état d'esprit parisien. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Avignon? Quel rêve il caresse en créant le Festival d'Avignon, Jean Vilar? Disons d'abord que c'est vrai que c'est absolument nouveau dans l'état culturel français de l'époque. Tout est centralisé à Paris à ce moment-là. Le Festival de Cannes vient de commencer aussi dans les mêmes années et a commencé à ouvrir un champ en province, mais ça se déroule vraiment essentiellement à Paris à ce moment-là. Il fait d'abord un effort de décentralisation qui est à la mode à cette époque en France. On commence à découvrir que la création doit aussi se faire ailleurs qu'à Paris. Ouais. Les politiques culturelles qui vont naître par la suite vont vraiment insister sur cette idée de créer des pôles de création un peu partout dans le pays. Chose sur laquelle nous, par exemple, au Québec, on est encore en retard. Hein. Ouais. Notre théâtre, il se crée vraiment beaucoup dans les grands centres et il n'y a pas de création ailleurs. Donc, il est dans cet état d'esprit. Vilar, il croit à cette utopie de la décentralisation théâtrale, mais surtout, il cherche à créer une expérience théâtrale différente. Il cherche à jouer en plein air, à être dans un théâtre qui est ample aussi, qui est épique, qui met en valeur les grands textes et qui est accessible. Ce qu'il veut, c'est créer des espaces de représentation où le peuple viendra nombreux voir les spectacles. Alors, il est dans l'idée de la démocratisation. Il veut que les billets soient pas chers, que les gens puissent venir et sentir qu'ils sont dans un événement qui leur appartient. Et que ça fait partie de la culture de... Il y a comme un devoir de transmettre à tous, riches ou moins riches, la beauté, la culture. Je le disais, il va le faire à Avignon, mais il va le faire aussi comme directeur du Théâtre national populaire. C'est une vision là, qu'il défend. Puis il faut dire que c'est dans un contexte particulier. C'est pas que Villard, c'est l'après-guerre. C'est une France où la gauche communiste ouvrière à la cote. C'est ça le contexte général. Oui, et donc Villard va populariser la notion de théâtre populaire. Donc, ça apparaît très vite dans son discours. Au début, il disait vouloir faire un théâtre de combat. Donc, il était dans une posture plus militante en 1947. Mais assez rapidement, c'est la notion de théâtre populaire qui va prendre le dessus. Ouais. Pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein, quand on parle de théâtre populaire aujourd'hui, on pense surtout à un théâtre de divertissement, ouais, à une comédie musicale grand public avec beaucoup de face. En fait, au contraire, il veut amener du théâtre de qualité, le rendre accessible à tous. Exact. Quand il parle de théâtre populaire, au fond, ce qu'il veut dire, c'est démocratisation du théâtre. Il parle d'emmener les classes ouvrières et tout le monde au théâtre pour entendre un théâtre exigeant, un théâtre de textes, de grands textes, où il y a une intelligence qui est mise au service et à profit de tout le monde. C'est ça la mission de Villard. Et en s'adaptant à ces classes populaires, vous le disiez par le prix des billets, mais j'entendais un extrait, on ne peut pas tout diffuser en 23 minutes, mais où Villard disait adapter, par exemple, l'horaire des présentations. Les ouvriers sortent de l'usine, qu'ils puissent aller plus tôt, donc, au théâtre, même jouer sur les heures de représentation. Oui, donc vous parliez de communisme. On peut effectivement dire que la pensée théâtrale de Villard était proche du communisme qui était en vogue à cette époque-là. L'idée aussi de rendre la pensée, l'accès à la pensée, parce que c'est aussi un festival intellectuel où on discute, où on débat de la société. Et ça, on peut dire que c'est une pensée à l'époque communiste ou de gauche. Ouais. Revenons au début du festival en 1947. Philippe Couture, dans quel contexte il est créé ce festival et à quoi il ressemble ce premier festival d'Avignon? Alors au début, ça se passe en septembre. La première année, ça dure seulement une semaine et on appelle ça la semaine d'art en Avignon. Et c'était pas supposé être un festival de théâtre. C'est un peu un accident qu'Avignon soit devenu le plus grand festival de théâtre du monde. Au début, c'était un festival de peinture, donc d'art visuel, où René Char, qui faisait partie des organisateurs, voulait projeter un film qu'il voulait tourner avec Villard. Et c'est comme ça que Villard apparaît dans l'aventure du Festival d'Avignon avec un projet de film avorté qui n'aura jamais lieu. Et au lieu de ça, il décide de proposer donc trois créations, chose qui était très rare à l'époque, on l'a dit. Et ça a eu un succès assez monstre dès la première année, ce qui fait que dès 1948, le festival est déplacé en juillet et va se concentrer sur les arts de la scène. Avec au début, donc, un théâtre... dans la première édition, il y a un Shakespeare, par exemple, mais les premières années, comment les résumer, les premières années d'Avignon? Oui, alors, création pure, les premières années, des nouveaux textes, vraiment un esprit d'avant-garde, d'effervescence créative. Par contre, ça s'est vite transformé. Il y a eu, pendant les années 50, une période où le théâtre classique a un peu repris le dessus. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, il y a eu une petite période de gloire de théâtre plus classique. Avec une grande figure, Gérard Philippe. C'est les années Gérard Philippe, C'est les années Gérard Philippe, donc on peut aussi identifier ça comme étant très marquant dans l'histoire du festival. Gérard Philippe, qui était aussi un acteur de cinéma avant d'être glorifié sur les scènes d'Avignon, et qui, par exemple, en 1951, a joué dans le Cid de Corneille, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et ça, c'est pour ceux qui y étaient, c'est pas mon cas, ça demeure un moment extrêmement important de l'histoire du festival. Ouais. Les années 60, en quelques mots, c'est à la fois, je pense, le retour aux sources. Hein, on s'éloigne un petit peu de ce théâtre plus de classique, moins étonnant qu'on avait vu dans les années 50. Retour aux sources, mais l'explosion aussi. Qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Réforme complète du festival dans les années 60. Il revient à ses fondements. Il se réaffirme comme lieu d'avant-garde et il se met au diapason de la société française en ébullition. On est dans les années 60, donc les mouvements contre-culturels qui se produisent autant en France qu'aux États-Unis vont vraiment influencer Avignon qui se rebranche sur l'underground, sur les expériences théâtrales collectives et politiques. Le festival s'allonge sur 3 semaines, accueille aussi ses premiers spectacles de danse. Ouais. Maurice Béjart, en 67, va présenter un spectacle qui a été pas si bien reçu que ça, hein, parce que le public était un peu déstabilisé par cette apparition de la danse dans un festival de théâtre. Mais néanmoins, ça marque le début de la danse contemporaine à Avignon. Ouais. Ça va rester ça jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi dans les années 60 que naît le off, oui. qui aujourd'hui est extrêmement visible et tonitruant. En fait, quand on arrive à Avignon en juillet, c'est le off qu'on voit en premier, ouais. parce qu'il y a des affiches partout. Les comédiens se produisent dans les rues ou essaient de vous vendre leur spectacle. Donc, c'est le off aujourd'hui qui marque le plus l'imaginaire du touriste de passage, parce qu'il est devenu monstrueux et tentaculaire. Mais en 67, en 66, quand c'est né, c'était juste un acteur, un metteur en scène, André Benedetto, fondateur du OFF, qui avait décidé de faire un spectacle au Théâtre des Carmes, profitant de la frénésie du Festival d'Avignon pour se produire en parallèle. C'était ouais. juste ça au début. Et dans ces années, dans ce contexte des années 60, arrive cette fameuse année 68 qui se démarque un peu partout, et Avignon aussi. 68, c'est 68. Et à Avignon, l'année 68 sera donc sous le signe du spectacle et de la controverse que va susciter le spectacle Paradise Now du Living Theatre de New York. Nouveaux incidents hier soir au Festival d'Avignon où le Living Theatre présentait Paradise Now. À l'ouverture des portes, il y eut déjà de nombreuses bousculades et une atmosphère électrisée planait sur le public quand a débuté la soirée. Descendant parmi les spectateurs, les acteurs américains les ont visiblement pris à partie. À un moment, vous allez le voir, quelques animateurs de ce spectacle surprenant se sont déshabillés et livrés à des gestes obscènes. Dans le public, des femmes étaient terrassées par des crises de nerfs. Des spectateurs ont quitté leur place en invectivant ceux qui paraissaient apprécier ce Paradise Now aux puissantes sonorités cacophoniques. Pendant ce temps, au dehors, des jeunes gens prétendaient entrer sans payer, mais Villars s'y opposait. Julian Beck et son égérie sont venus parlementer plus ou moins violemment. Un climat orageux, des affrontements entre spectateurs et acteurs autour d'une représentation, une nuit agitée pour la Cité des Papes, le Living et son paradis actuel, c'est ça. Comment décrire cette grande secousse du Paradise Now de 1968 à Avignon, Philippe Couture? Alors, le Living Theatre de New York, qui est une troupe légendaire très importante dans l'histoire du théâtre contemporain, faisait, vous l'avez entendu, un théâtre révolutionnaire, anarchiste, hippie. C'était vraiment, vraiment dans le mouvement de hippieisme américain. Et ils étaient donc dans une approche aussi... très politique, mais très performative, où leur spectacle, finalement, se terminait souvent dans la rue, se mélangeait ouais. aux manifestants avec de la nudité qui était considérée obscène, on l'a entendu ouais. dans l'extrait. Donc, ils arrivent à Avignon en 68. En plus, ils sont les seuls à jouer, à présenter un spectacle cette année-là, parce que les grèves ouais. de mai 68 en France ont empêché les artistes français de répéter. Alors, il n'y a aucun spectacle français qui est présenté. Il y a Maurice Béjart qui propose de la danse. Et il y a le Living qui arrive avec une proposition complètement éclatée, explosive et anarchiste, on pourrait dire. Alors, ça ne passe pas. Il y a évidemment une excitation de la part de certains spectateurs. Il y a des gens de Paris qui sont dans le mouvement de mai 68, qui sont débarqués à Avignon, qui font partie donc de l'effervescence avec le Living Theater. Mais ouais. il y a aussi une grosse contestation qui vient à la fois du public et des autorités ouais. Municipales à Avignon, qui n'aiment pas du tout cette agitation et qui vont tenter de... qui vont en fait réussir à interdire les représentations de Paradise Now. Donc, année de troubles, de scandales à Avignon 68. On fait un grand bond dans le temps pour s'intéresser à ce qui va se passer en 2005, qui sera aussi une autre grande année de scandale à Avignon. Onde de choc sur Avignon. Dans la cour d'honneur, un grand sorcier orchestre le chaos. Yann Fabre, chorégraphe et plasticien belge, enfant terrible de la scène européenne, poursuit son exploration du corps dans son état le plus animal. Au risque de choquer ou d'enthousiasmer. Polémique immédiate à la sortie. Je crois qu'Avignon est en train de prendre un tournant depuis quelques années qui est lamentable. Je veux dire l'inverse. Hein, y a une forme de création complètement nouvelle. Retour à Anvers, sa ville natale, où dans un hangar il a créé cette histoire des larmes, avec ses danseurs qu'il appelle ses guerriers de la beauté. Qu'est-ce que l'art, si ce n'est créer une blessure dans vos pensées, ou de soigner vos blessures ? En choisissant Yann Fabre comme artiste associé à la programmation, le festival confirme l'audace de sa nouvelle orientation. Au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que ça nous dit cet épisode de 2005, Philippe Couture, sur l'évolution du Festival d'Avignon, sur ce que devient ce festival? C'est très important parce que, en fait, ce qui se joue là, c'est une querelle qu'on pourrait appeler une nouvelle querelle entre les anciens et les modernes. Alors, on a d'un côté les partisans d'un théâtre de texte qui s'ennuie, donc d'un théâtre qui met de l'avant les grands textes français et qui est ancré dans la parole, et de l'autre côté les partisans d'un théâtre qu'on a appelé le théâtre d'image, ouais. Donc qui est un théâtre plus plastique, ancré dans le visuel, dans le corps aussi, qui est plus performatif, théâtre interdisciplinaire aussi, là, dans le jargon théorique, on appelle ça le théâtre post-dramatique. C'est un théoricien allemand, Ernst Lehmann, qui a popularisé cette expression. Donc, un théâtre qui arrive après le texte, en fait, et qui fait exploser la structure traditionnelle. C'est le metteur en scène plus que l'auteur. Absolument. Mais où aussi tous les éléments qui construisent un spectacle sont considérés sur un même pied d'égalité, pas de hiérarchie. Ouais. Le texte ne supplante pas le travail de la lumière ou du décor ou alors la performance corporelle. Donc, à Avignon, en 2005, c'est ça qui se joue. Un certain refus de la postmodernité théâtrale, en fait, parce que beaucoup de spectateurs sont déroutés par les propositions donc, de Yann Fabre, on l'a dit, un metteur en scène belge-flamand qui avait été choisi comme artiste associé du festival. Ouais. Alors ça, les directeurs artistiques Hortense Archambault et Vincent Baudrier à cette époque-là avaient instauré ce principe de l'artiste associé qui donc colore la programmation, influence les choix artistiques. Et Yann Fabre arrive et il programme que des spectacles qui sont comme ça complètement éclatés, ouais. qui appartiennent au théâtre de l'image. Et même si le festival avait en fait préparé ses spectateurs à cette ébullition depuis de nombreuses années, depuis les années 80, on a vu apparaître ce théâtre-là. Le règne du théâtre post-dramatique en Europe, il était déjà présent. Mais c'est peut-être la première fois que le festival s'y consacre vraiment pleinement. C'est aussi beaucoup plus d'étrangers qu'avant. Oui. Il y a moins de théâtre français. Donc, on est devant des artistes flamands, des artistes allemands, berlinois. Beaucoup de théâtre surtitré, donc en langue étrangère avec des surtitres. Et il y a vraiment un refus de la part d'une certaine frange du public de ce qui est en train de se passer. Et ça reste ça aujourd'hui? Il en est où aujourd'hui, ce Festival d'Avignon? Alors aujourd'hui, il a poursuivi dans cette voie et par contre, il y a un équilibre qui s'est refait depuis que c'est Olivier Py qui dirige le festival. Donc on est revenu à un meilleur équilibre entre théâtre de texte et théâtre plus avant-gardiste, théâtre d'image. Ce que je dirais, par contre, c'est que le grand rêve de Villard, qui était de faire un théâtre vraiment populaire, accessible aux classes ouvrières, c'est pas nécessairement gagné de nos jours, parce que s'étant positionné comme un festival très avant-gardiste et plutôt intello, il faut le dire, le public le plus ouvrier, là, si on peut dire ça comme ça, ne se sent pas très interpellé par les programmations. Il est là dans le off, il n'est pas tellement là dans le festival officiel, et il y a certainement un effort à faire de mise en marché des spectacles aujourd'hui pour que ça redevienne le grand espace de théâtre démocratique dont rêvait Jean Villard. Philippe Couture, c'était passionnant, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Philippe Couture, journaliste culturel, critique de théâtre, collaborateur au Voir, au Devoir, à la Revue Jeu, à différentes émissions également de notre radio. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.